BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur, une commandite de BR Metal. Salut David. Salut Danny. David, on va parler évidemment du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini. Ça a commencé. Tu vas me faire un résumé des matchs de la semaine passée. Oui, la semaine passée, il y a eu le début de saison des niveaux Bantam 2B, Midget 2B, Pee-wee 2B. Niveau du Pee-wee 2B, une victoire, une nulle, la semaine passée, après bien été. Mm. Je sais qu'ils sont en fin de semaine, ils sont à Bécomo. Okay. Pour trois matchs. Puis, niveau Bantam 2B, une victoire, une défaite en fin de semaine passée contre les équipes du Saguenay. Okay. Après bien été aussi. Eux sont en congé en fin de semaine. Ouais. Au niveau du midget 2B, les Castors, une victoire, une défaite aussi en fin de semaine passée. Je sais qu'en fin de semaine, ils jouent encore deux matchs contre. Je sais que ce soir, contre Marco Spob. Mm. Et demain, contre Chigamo à l'Arena de Dolbeau à 5h30. OK, OK. Niveau, pour la tourne 2B, ça commence en fin de semaine. Si tu joues ce soir, 19h30 à l'Arena de Dolbeau. OK. Commence leur saison en fin de semaine. C'est pas mal ça pour le double lettre. Niveau simple lettre, il y a beaucoup de matchs pour la saison en fin de semaine. Les équipes, se mesurent aux autres équipes de la région pour vérifier le calibre, vérifier le calibre des équipes. Parce que les équipes sont terminées, sont toutes... toutes les équipes sont formées, mais les saisons commencent en fin de semaine prochaine. Donc, évidemment, encore une fois, ça va nous donner un petit peu de résultats pour la semaine prochaine. Exactement. OK. OK. Y a-t-il autre chose à signaler? Non, rien d'autre, Danny. On s'en reparle, quelque part la semaine prochaine. OK, parfait. Voilà, donc, c'était David Lamontagne et le hockey mineur de Dolbeau-Mistassini.